très bon début de soirée, les Normands et les Picards. Encore une fois, joyeux Noël, il est 18h. Tout de suite, l'info nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. Un camion chargé de colis a été dérobé hier à Issoudun directement au bâtiment de la Poste. Une information révélée par le journal La Nouvelle République. Vers 8h30, le camion a été volé à l'arrière du bâtiment. Le facteur qui était en train de le charger a donné l'alerte immédiatement. Les forces de l'ordre ont alors déployé un dispositif de sécurité sur les principales routes de la commune afin de retrouver le ou les voleurs. L'alerte a été levée en fin de matinée hier. Hier, les archives de Rennes ont publié un curieux message sur leur compte Twitter. Elles y invitent les internautes à relever un défi à l'occasion de Noël. Déchiffrer un texte datant du Moyen-Âge, en document joint à la photo d'une lettre écrite en 1213. Les courageux ont jusqu'au 7 janvier pour relever le défi. En ce réveillon de Noël, les habitants de Saint-Gilda-de-Ruy ont pu voir leur plage de Port-Maria recouverte d'un drap rouge ramené par la houle et les marées. Les algues rouges ont quasiment intégralement recouvert la plage de cette commune près de Vannes. Ces algues dégagent une forte odeur sur les hauteurs de la plage. Selon un maire de la région, leur présence à cette période de l'année n'a rien d'inhabituel. Les grandes marées, la côte nord-ouest de l'Hexagone est en pleine période de grandes marées. Et bien malheureusement, ce phénomène exceptionnel lié à l'attraction de la Lune s'accompagne de son lot de sauvetage. Hier, dans la Somme et les côtes d'Armor, plusieurs personnes se sont en effet retrouvées piégées par les vagues. Les autorités ont renouvelé leur message de prudence en invitant les promeneurs à consulter les horaires de pleine mer et de basse mer. En Sicile, l'Etna est entré en éruption hier en crachant une importante colonne de cendres, obligeant à fermer l'espace aérien aux alentours, tandis que la zone du volcan sicilien était secouée d'une multitude de petits séismes. L'éruption s'est produite sur le flanc de l'Etna. C'est la première éruption latérale depuis plus de 10 ans, mais elle n'a pas l'air dangereuse pour le moment. Et puis, l'acteur Tom Hanks est généreux. Il a fait plaisir à plusieurs clients d'un fast-food de Californie vendredi, alors qu'il déjeunait dans un restaurant de la chaîne In-N-Out, accompagné de sa femme. L'acteur a accepté de poser sur des photos avec des fans présents. Tom Hanks ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également offert le repas à plusieurs personnes qui attendaient de commander au drive. De nombreux clichés ont été publiés, notamment sur Instagram et Twitter, pour illustrer cette scène. La plus normande des radios. Ludo, 17h-19h. En ce jour de Noël, à suivre David Guetta avec Say My Name, mais tout de suite, Meghan Trainor, Sean Paul avec Hey DJ. L'After School d'espace. Hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wine. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Hey, DJ. She'd rather be, she

excellente fin de journée en ce 25 décembre. Les Normands et les Picards, il est exactement 18h30. Tout de suite, un nouveau point d'information locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale. Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Du 10 au 20 décembre dernier, une opération antifraude a été menée dans une soixantaine de commerces du quartier Saint-Sever, Armand. Le comité opérationnel départemental antifraude, qui réunit parquet, forces de l'ordre, administration, préfectorat fiscal ou encore douanière, a contrôlé coiffeurs, sandwicheries, bars ou encore agences de voyage. Parmi les infractions constatées, 26 procédures pour travail dissimulé ont été engagées. 10 étrangers en situation irrégulière ont par ailleurs été contrôlés. Les autorités ont également relevé diverses entorses à l'étiquetage des produits, aux températures de conservation ou encore à l'hygiène. D'ailleurs, une vingtaine de commerces pourraient faire l'objet d'une fermeture administrative. Le magasin Leader Price, situé en centre-ville de Côte-Bec-les-Elbeuf, ne fermera finalement pas ses portes à la fin de l'année. La direction du groupe du supermarché vient d'annoncer la reprise du magasin. C'est par une lettre le 22 novembre dernier que le maire de la ville avait été informé de la décision de fermeture. Face à la forte mobilisation des habitants pour sauver ce supermarché de proximité, un nouveau repreneur franchisé a été trouvé. Les salariés sont également maintenus dans leur poste. Laurent Bonater, le maire de Côte-Bec-les-Elbeuf, souligne dans un communiqué l'attachement à cette offre commerciale de proximité si utile aux seniors et aux familles. La préfecture de l'Oise lève les réglementations du repos dominical pour les commerçants. Les boutiques du département qui le souhaitent peuvent ainsi ouvrir leurs portes sans réglementation le 30 décembre prochain. Une décision qui doit permettre d'endiguer les difficultés commerciales liées aux mobilisations des Gilets jaunes de cette fin d'année. En effet, à cette occasion, certains commerçants de l'Oise auraient perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Bouchon 276 a attiré le bilan de l'année 2018. L'association d'aide aux personnes en situation de handicap a récolté légèrement moins de bouchons plastiques cette année. Mais pas d'inquiétude, selon Dab Delaporte, son président fondateur. On a un léger recul puisqu'on est à 219 tonnes, mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà qu'au mois de janvier, on a 3 camions qui vont partir, puisque avec les fêtes, on n'a pas voulu précipiter les choses et demander aux bénévoles de venir charger un camion quelques jours avant la fin de l'année. Les camions chargés de bouchons partiront dans une usine de recyclage dans l'Oise. En tout, en 2018, les profits de ces ventes de bouchons s'élèveront à 58 500 euros répartis entre 55 bénéficiaires normands, une somme qui s'ajoute au montant accumulé pendant 15 ans. On a fait depuis la création de l'association 200 camions de bouchons, puisqu'on a dépensé les 2600 tonnes de bouchons, 607 000 euros de versés à plus de 650 normands. Chaque dossier peut se voir accorder une aide entre 100 et 2000 euros pour des équipements adaptés. Des aménagements de salles de bain, des aménagements de voitures. On a eu dernièrement aussi des commandes oculaires pour des enfants. On a eu aussi des achats d'ordinateurs, l'éducation de chiens guides, des imprimantes braille. C'est très, très varié. Avec des points de collecte et des bénévoles à Louviers-Vernon ou encore au Neubourg, le département de l'Eure contribue plus largement au versement d'aide. Évreux reste encore à la traîne. Foucarmont en guerre contre les pigeons. Près de 3000 euros viennent d'être débloqués pour l'installation de grilles anti-intrusion dans l'église communale. En effet, de nombreux volatiles ont élu domicile dans le clocher de l'église. Les grilles ont été mises sur les axes de balancement des cloches, là où les pigeons peuvent habituellement s'introduire sans difficulté, puisque totalement ouvert. Le maire de la commune appelle également les habitants à ne plus nourrir les pigeons. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Côté météo pour demain, c'est plutôt une belle journée en perspective, mais les températures chutent. Seulement 4 degrés sur le Vexin Normand de Vernon aux Anglis, 5 degrés sur le Neubourg ou encore Bernay, 6 sur Rouen et 7 sur Pont-Audemer. Bonne soirée à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 6-7 degrés là où je vous parle dans les deux régions, à 10h03, nickel en Normandie avec Atmo Normandie, 18h34. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un Benny Blanco. I don't know how to move. I cannot say what I believe in. If I only believe in you. I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do.

sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. J'adore. M6, Astérix, le domaine des dieux pour débuter la soirée. Scène de ménage des Rodifs en seconde avec tous les couples qui avaient fêté Noël. Le meilleur de la TNT, C8, une spéciale de Strike avec Vincent Lagaffe. Il ne fait plus partie de la chaîne, hein, comme on vous l'a déjà dit, mais il avait déjà enregistré toutes les émissions. Et faut pas gâcher. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Oui, je confirme. Alors il bosse comme moi, 19h d'Orient dans quelques minutes. Ensuite Manu pour du funky mix. En tous les cas, j'espère encore une fois que vous avez eu tous les cadeaux que vous avez sollicités, demandés au Père Noël. Passez une très très belle soirée du 25 décembre. Pour ma part, je vous donne rencard demain entre 17h et 18h sur la plus normande et picarde des radios. Voici un petit Grace Jones avec La vie en rose. Encore une fois, joyeux Noël tout le monde. Et à demain, ciao. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd, c'est haut que sa bouche. Un portrait sans les touches de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il n'est pas le tout bas, je vois. Monsieur, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu et j'étais obligé de porter un collier à un couple de vieux. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. C'est cela, oui. Joyeux Noël, quand même. Thérèse, et bon réveillon. Joyeux Noël et bonne année. Ah non, ça c'est la semaine prochaine. Bienvenue sur Espace, on est le mardi 25 décembre, il est 19h les infos. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas.

the way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call, but you don't call it on. It's a sunny day, but you play with love and then you throw it away. Why do you use me, try to confuse me? How can you stand to be so cool? Why don't you free me, free from this prison where I serve my time as your fool? It's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I try and stay with you, show your love so true, but you won't appreciate the love we try to make. It's a where I serve my time as your fool. It's a shame when you mess around with your man. It's a shame that you hurt me. It's a shame. Nouveauté de la prog espace et c'est en exclusivité pour vous ce soir dans l'afterwork de Noël. We are gold avec It's a shame. J'espère que tout va bien. Merci d'être là et j'espère surtout que le Père Noël vous a gâté. Et oui, pour ma part, ça a été parfum, je vais tout vous dire, hein. Parfum, montre, il y a aussi eu de l'argent évidemment, bref, plein de choses. Merci Papa Noël. Et il se rase avec nous d'ailleurs, le Père Noël. Ce sera vendredi entre 19h et 21h sur Espace pour l'Open Show en direct. Je vous retrouverai avec Louis et Mickaël et encore une fois, joyeux Noël. Et maintenant, après les grands repas d'hier soir et de ce midi, à 19h19, on est en mode digestion et on réécoute Jade qui a gagné son cadeau avec le Père Noël Espace. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Est-ce que je suis dans le château de la princesse Jade ? Oui. Oui, c'est vous la princesse Jade ou vous êtes la secrétaire de la princesse Jade ? C'est la princesse Jade. Carrément, j'ai direct la princesse au téléphone. Oui. J'ai trop de la chance. Est-ce que tu as bien dormi cette nuit, mademoiselle la princesse ? Oui. Oui. Est-ce que tu n'as pas trop de mal à dormir en ce moment parce que tu penses au cadeau du Père Noël ? Je dors pas vraiment bien parce que je veux tout de suite avoir les cadeaux. Évidemment, évidemment, évidemment. Alors, toi comme tes parents, vous écoutez des fois la radio ? Oui. Qui peut t'appeler comme ça pour avoir des cadeaux de Noël comme radio et comme animateur ? Ludo ? Oui. Radio Espace. Trop bien. D'abord, trop bien, mademoiselle la princesse, puisque tu as la bonne réponse, donc c'est cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau que tu n'as pas encore commandé au Père Noël ? Des poupées LOL. Des poupées LOL. Qu'est-ce que c'est que ça, les poupées LOL ? C'est des sortes de petites poupées, et en fait, on peut les habiller, et c'est des boules. La soit des capsules, des boules ou des gros paquets. D'accord. Et le Père Noël, il a ça en stock, les poupées LOL ? Je sais Je pense. Bon, est-ce que tu as déjà été visiter l'usine du Père Noël et notamment le rayon des poupées LOL? J'en ai déjà vu des poupées LOL, mais j'ai jamais été visiter l'endroit où là le Père Noël. D'accord. Est-ce que tu sais où il habite le Père Noël, toi? Dans le pôle Nord. Bien, dans le pôle Nord. Et est-ce qu'il a des chevaux, des sangliers ou des rennes pour traîner son traîneau? Des rennes pour traîner son traîneau. Très, très, très, très bien. Alors, je vais t'offrir donc des poupées LOL. D'accord. D'accord. Et puis en plus, je vais t'offrir une enceinte connectée. Ouais. Trop, trop bien, hein? Oui, trop, trop bien. Alors, l'enceinte connectée, il faut la mettre en route le matin, la musique à fond, le samedi matin vers 6h du matin et le dimanche matin vers 5h du matin. Mais à fond, tu sais, il y a un truc, un bouton qui règle et il faut mettre au volume maximum et la mettre en route le samedi matin et le dimanche matin près de la chambre des parents. D'accord. Oh, je suis pas sûr. Ça a l'air sur plaisir, ça. Je suis pas sûr, mais tu diras que c'est Ludo, en fait, qui a dit de faire ça. Oui. Ils vont te taper ou pas? Non. Non, bon, c'est trop, trop bien. Ma petite Jade, tu habites à Gaillon? Oui. Et donc, tu attends le Père Noël, bien sûr? Bah oui. C'est demain. D'accord, ok. Encore un dodo et après, normalement, c'est les cadeaux. Oui. Ah, c'est long, hein, le Père Noël, en fait, quand on attend, c'est super trop long. Hein. Oui. On est d'accord. Je te fais de gros bisous. Gros bisous. Et tu embrasses tes parents pour moi? Bah oui. Ils ont été sages ou pas sages, eux? Sages. Mais vraiment sages ou moyennement sages, les parents? Moyennement. Bon, je vais en parler au Père Noël avant qu'il prenne son traîneau, il n'y a pas de problème. Je t'embrasse, Jade, à bientôt. Bientôt, merci Ludo. De rien, Jade, et à très très bientôt à la radio et avec le Père Noël, oui. Ce serait carrément de la bombe de balle qui déchire. Oui. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bisous. 17h-19h. Ludo à la radio. Espace. We can hear it calling, calling to our hearts. Something loud and clear, begging us to run. Let's get out of here. Light another fire, let us sing till the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun comes up. Heart's feeling warm, so let us swim till the sun comes up. Till the sun comes up. Tourne autour, à croire que je suis coté, mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On